On s'en revint à Batteville. Au moment où elle allait rentrer dans sa nouvelle demeure, Jeanne aperçut quelque chose de blanc sous la porte. C'était une lettre que le facteur avait glissée là en son absence. Elle reconnut aussitôt qu'elle venait de Paul et l'ouvrit, tremblant d'angoisse. Il disait « Ma chère maman, je ne t'ai pas écrit plus tôt, parce que je ne voulais pas te faire faire à Paris un voyage inutile, devant moi-même, aller te voir incessamment. Je suis à l'heure présente, sous le coup d'un grand malheur et dans une grande difficulté. Ma femme est mourante, après avoir accouché d'une petite fille, voici 3 jours, et je n'ai pas le sou. Je ne sais que faire de l'enfant que ma concierge élève au biberon comme elle peut, mais j'ai peur de la perdre. Ne pourrais-tu t'en charger? Je ne sais absolument que faire, et je n'ai pas d'argent pour la mettre en nourrice. Réponds, poste pour poste. Ton fils qui t'aime, Paul. » Jeanne s'affaissa sur une chaise, ayant à peine la force d'appeler Rosalie. Quand la bonne fut là, elles relurent la lettre ensemble, puis demeurèrent silencieuses, l'une en face de l'autre, longtemps. Rosalie enfin parla. « Je vais aller chercher la petite, moi, madame. On ne peut pas la laisser comme ça. » Jeanne répondit. « Va, ma fille. » Elles se turent encore. Puis la bonne reprit. « Mettez votre chapeau, madame. Et puis, allons à Goderville, chez le notaire. Si l'autre va mourir, faut que M. Paul l'épouse, pour la petite, plus tard. » Et Jeanne, sans répondre un mot, mit son chapeau. Une joie profonde et inavouable inondait son cœur. Une joie perfide qu'elle voulait cacher à tout prix, une de ces joies abominables dont on rougit, mais dont on jouit ardemment dans le secret mystérieux de l'âme. La maîtresse de son fils allait mourir. Le notaire donna à la bonne des indications détaillées qu'elle se fit répéter plusieurs fois. Puis, sûre de ne pas commettre d'erreur, elle déclara « Ne craignez rien, je m'en charge maintenant. » Elle partit pour Paris la nuit même.